Je ne suis pas là en août. Et vous? Moi non plus. Je ne bois pas de café le matin. Et vous? Moi non plus. Mon fils ne range jamais ses affaires. Et le vôtre? Lui non plus. Mes parents ne prennent jamais l'avion. Et les vôtres? Eux non plus. Nous ne fermons jamais la porte à clé. Et vous? Nous non plus.